Vous jouez trop au poker, elle vous fait la tête au carré en disant que c'est fini, qu'elle va rentrer à pied. Vous sombrez dans le désespoir, vous ne sortez plus de chez vous. Votre boulot, testeur de PQ, ne vous rapporte plus beaucoup. C'est votre patron que vous devez convaincre, aller en plage 25. Vous en profitez pour démissionner et vivre de votre passion. À vous les plateaux de cinéma, allez en plage 23. Ça va nous gonfler, vous devez en faire.